Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa. Makes me wanna smoke crack. Yes. Xavier Antoine nous offre un petit déjeuner coquet avec Tais-toi et cuisine. Et on pense fort avec Nicolas Duchamp. Parle vite, parle vite, parle vite. Assemblage requis commence maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y, ris de moi. Non, non, non, ça part bien la semaine. Ben, c'est sûr, hein. J'ai oublié d'ouvrir les micros. Hein? Bienvenue à l'Assemblage Requis, on se l'a dit 17 octobre, oui, 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Oui, la semaine a bien commencé aujourd'hui en oubliant toutes mes affaires chez nous. Il a fallu qu'on y retourne une deuxième fois. Après ça, oublier d'ouvrir les micros. C'est ça, c'est ça. Et toi, t'as dû, en fin de semaine, enterrer ta tête. Oh, hey, parle-moi-en pas pour vrai. Une fin de semaine de crotte. Ah, pour vrai, je me suis couru après ça toute la fin de semaine. J'ai pas pu en profiter profiter de rien du tout. J'ai fait ça samedi, puis dimanche, il a fallu que je répare l'exhaust. Puis en fait, ça fait encore plein déjà? De son. Donc, c'était une nouvelle voiture. Non, mais je savais en l'achetant, là. C'est que, en fait, le catalyseur était tombé. En fait, j'ai délé le prix, là, en conséquence. Puis je pensais, en fait, tout simplement le refixer. Puis, mais non, c'est parce qu'il est troué à deux. Sinon, le gars l'aurait fait lui-même, peut-être, hein, c'est ça? Ben, le gars, il me l'a proposé. OK. Le gars me l'a proposé, mais je sais non, à ce prix-là, écoute, je te le prends comme ça, puis je le fais faire. Je vais m'arranger, ouais, ouais. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Et puis, en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait des autres trous. Ouais. Donc, on pourrait saluer ta nouvelle voiture. Corsica, bonjour. Salut, Corsica, 91. Après une Tempo 88, hein. T'avances d'un cran quand même, là. De 3 ans à chaque 2 mois, donc. Bravo. Bientôt une 2012. Tu vas être en 2012 bientôt, parfait. Donc, aujourd'hui, l'émission, c'est chargé, François. On est lundi, tu le sais, hein, 3 chroniqueurs, rien le moins. On va voir à 7h15 environ Kiwan avec sa chronique Kiwan en cavale. Il nous parle de l'actualité canadienne et là-dedans, on va avoir entre autres quelques petits trucs sur Tegan and Sarah. Oh. Et Chad Van Galen. Okay. Ils ont aussi parlé de son road trip qu'il a fait la semaine passée. Ah ouais. Il était où? Ah! Ah. Don't know. Ça, c'est vers les 7h15 environ. Dans l'émission d'aujourd'hui, il y aura aussi la chronique de Xavier Antoor, n'est-ce pas? Qui nous parle de thé et de cuisine. Oui. Donc, on l'attend patiemment chaque lundi. Hein. On a une petite fringale. Donc, Xavier, si tu nous entends, amène-toi. Bien. Est-ce qu'il a posté une petite photo d'avant-goût sur Facebook? Je peux aller voir. Je vais aller mettre l'eau à la bouche s'il l'a fait. Et puis, en fin d'émission, vers les 8h30, la chronique de Nicolas Ducharme sur les sports, donc les actualités sportives. Oui, exactement. On va parler Patriotes. Je pense qu'on va parler aussi du Canadien. Qui a débuté sa saison régulière, donc aux alentours de 8h30. Ouais, tout à l'heure. Il y aura aussi d'autres choses, évidemment, dans l'émission d'aujourd'hui. Ça déborde. On fera un tirage aussi. Ah oui? Oui, on a des billets pour la LIM qui se déroule le mardi, le 18 octobre, à 20h. Donc voilà. Et à tous nos chers étudiants qui nous écoutent, bonne semaine d'examen. Ah, c'est vrai. Mais dites-vous que c'est la semaine de relâche après. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Donc un dernier boost, puis après ça... Après ça, vous pouvez vous lever tard. Ouais. Nous autres, par contre, on peut pas vraiment. On commence l'émission avec The Horrible Crows sur leur nouvel album LC. Voici Behold the Hurricane. The same. turned to stone and died eventually. I was never seen the same again. In this heart I had, you never sympathize. And while you held my hand, I think I witnessed a crime. While she drove, we sat in silence. Too much or licked our wounds. Just live between the hours of sleep. In this dream I had, my screams were baby's breath. I watched her steal the air right from the atmosphere. Oh, this heart I had, you never paid no mind. And on the long drive home, I think I witnessed a crime. Sur un banc, la place d'armes se vide tranquillement. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais bien qu'on m'attend au nord. Je suis toujours en la formation R1 et la pièce Le soleil plein les yeux. Dans ta face. Là, je suis en train de m'étouffer parce que je pleurais parce que j'ai du soleil trop plein les yeux, François. Non. C'est pas grave. Non? Non, non. OK. Tu vas survivre. Une chance. Mais oui. Une chance. Contrairement à ton auto. Hey, OK. Non, excuse-moi. Ouais. Je m'a pointé du doigt. OK. Je vois ça. Je juge pas mon auto. OK. Corsica. Corsica. Ah non, celle-là est pas morte. Non, c'est ça. Celle-là est en pleine forme. Oh, ouais. Il nous reste une dernière pièce avant Kiwan qu'on va recevoir tantôt avec sa chronique Kiwan en cavale. Est-ce que tu veux entendre parler un petit peu de quoi il va nous parler tantôt? Vas-y, vas-y. Nouveau CD DVD live de Tegan and Sarah. OK. Très excitant, ça. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. CD DVD live. Ouais, genre de voir ça, en fait, plus que l'entendre. Hein? Ouais, parce que l'entendre, tu connais pas mal déjà les pièces. C'est un peu ça. Ils sont sûrement pas mal pareils comme sur le CD. Hein? Bon. Idéalement. On va écouter par contre tout de suite une pièce que tu m'as rappelée tantôt. Tu savais pas c'était quoi? Ouais. On cherchait. Là, tu disais, c'est un gars et une fille qui chantent ensemble. Ouais. Ça élimine pas grand-chose. Mais c'est très bon. C'est très bon. J'ai entendu ça dans les palmarès. Ouais. C'est pas Bravo On n'avait pas fait jouer ici avant. Non, peut-être une couple de fois. Je pense que Kiwan nous en avait fait jouer. Ah, ça se peut. Ça se peut. Il me semble bien. Dans le temps, on en jouait sur le palmarès aussi. Dans le temps. Donc, c'est la formation Au Bijou avec l'album Metal Meat. On va entendre la pièce qui ouvre cet album-là. C'est Niagara tout de suite à Assemblage Requis sur CFU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. This poison cup. Au bijou et le morceau Niagara sur l'album Metal Meets. C'est très bon. Oh que oui. T'avais halluciné une voix de gars dessus, je pense. Ah ouais, je pense que oui. Il n'y en avait pas, hein? Non. Non. Ça reste bon. C'est peut-être toi qui parlais par-dessus, par exemple. Ah, ben... Puis ta voix est si mielleuse que je pensais que tu chantais. Merci, Colin. Hein? Hey, hein? Je pensais pas avoir des belles paroles comme ça susurrer mes oreilles. Embarque dans le camion, Kiwan, on s'en va chercher... non, François, on s'en va chercher Kiwan. Bon. C'est ça, OK. Kiwan, salut! Bon matin! Bon matin! Vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous? Très oui, ça bien. Va? Oui, quand même pas si pire que ça. La semaine commence, commence, genre. Pas facile aujourd'hui pour vous? Non, c'est ça, pas tant. Pas si pire. Pas si pire. Non, ça pourrait être pire. Ouais, c'est ça. Donc, Kiwan, avant de parler d'actualité musicale, là, j'ai entendu dire que la semaine passée, pendant le long week-end de l'Action de grâce, tu t'es tapé un petit road trip! Ben oui, c'est ça, la semaine passée, on s'est pas parlé parce que c'était une fin de semaine de 3 jours. En fait, moi, j'ai même pris un petit peu plus que 3 jours, presque 4, en fait, pour faire un petit road trip. Vous savez, j'ai l'habitude quand même de faire des road trips ridicules. L'année passée, je suis allé, je vous en avais parlé d'ailleurs, j'avais été à Yellowknife, j'avais fait 4 jours de route pour aller passer 3 jours à Yellowknife. Oui. J'ai fait quelque chose de semblable en fait, la semaine passée. Ben, c'était un petit peu moins fou quand même, mais je suis allé du côté de l'Utah. Aux États-Unis. Ah, l'État du Utah, là. Oui, exactement. L'État où, dont la seule ville qu'on connaît, c'est Salt Lake City. Un peu, hein, à cause des Olympiques, surtout. Exactement. Sinon, on ne reconnaîtrait pas tant. Il n'y a même pas, pratiquement pas d'équipe sportive là-bas. C'est souvent la référence pour connaître une ville. Tu sais, c'est comme quelle équipe de hockey joue là, mais il n'y en a pas. Tu sais. Ça, ou un attentat terroriste. Je me rappelle qu'il y avait eu ça. Salt Lake City, il a fait sauter un bâtiment, là. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Ouais. Ah, ça se peut, mais je veux juste vous dire que j'ai absolument rien à voir avec ça. Non, c'est pas Kiwan. Aucun lien. Mais donc, oui, c'est ça. En fait, c'est un petit road trip, là, vraiment par rapport comme ça, où on a fait beaucoup plus de route que d'autres choses, mais c'était quand même cool. On s'est rendu. En fait, une fois où la place où on a reviré de bord, on était plus proche du Mexique, en fait, que du Canada. Donc, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de route. Ah, ouais, c'est ça? Ouais. C'est combien de temps? Ben, on a roulé, en fait, je pense, 17 heures au total. Puis, on était rendu pratiquement au Grand Canyon. Là. En fait, je me suis baigné dans le fleuve Colorado même. Là, le fleuve coule dans le Grand Canyon, oui. Puis, dans ce coin-là, il y a plein... C'est le désert, en fait. Là, puis, il y a plein de canyons puis de parcs nationaux avec ce type de paysage, là, avec des canyons et des rivières qui coulent dedans. Et on a passé, donc, comme je disais, à Salt Lake City, puisque c'est la seule grande ville qui est là. Puis quand je fais des voyages comme ça, j'aime ça essayer de trouver, dans les villes où je vais, trouver des groupes locaux, trouver c'est quoi la scène locale de ces villes-là. Donc j'ai essayé de le faire pour Salt Lake City, mais j'ai découvert qu'il n'y en a pratiquement pas. J'essaierai de trouver des groupes, là, des bons groupes de Salt Lake City. Ils sont assez rares. Il y a beaucoup de groupes métal et beaucoup de groupes religieux. C'est pas vraiment étonnant parce que si vous le saviez pas, Salt Lake City, c'est la capitale mondiale, en fait, ou le siège social mondial de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Oui, Jesus Christ of the Latter-day Saints. Là. Exactement. C'est ce qu'on voit à TV. Qu'on connaît plus souvent sous le nom de Mormon. Oui, c'est ça. Ah. Et donc, c'est vraiment leur capitale mondiale. Là-bas, leurs sièges sociaux sont là. Et d'ailleurs, le siège social, vraiment les bureaux, là, l'immeuble des bureaux de cette église-là, c'est le plus gros immeuble de la ville. Il faut dire que c'est quand même pas une grosse ville, là, Salt Lake City, mais quand même, c'est quand même une grande ville. Puis c'est ça, il occupe vraiment la plus grande partie de la ville. Je pense qu'il y a comme 60% de la population là-bas. Qui font partie de cette église-là. Donc, ils en donnent de l'argent, eux autres. Ils en donnent de l'argent à leur religion. Hein? Ah oui, vraiment. Puis on la voit, l'argent là-bas est très, très présente. Leurs immeubles sont absolument hallucinants. C'est à la place de le renvoyer sur la communauté, c'est renvoyer ses bâtisses. Hein? C'est... Ouais, c'est sûr, mais je suis sûr qu'il leur en reste pas mal à eux. mais bref, c'est ça, j'essayais de trouver un peu d'actualité musicale là-bas, puis j'ai trouvé une drôle d'histoire concernant la religion, concernant l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et un groupe que vous connaissez bien, un groupe canadien, The New Pornographers. Ah, c'est bon, ça. Que vous connaissez, évidemment. Oui. Ben oui. Et l'été dernier, The New Pornographers avait été invité par la ville même de Salt Lake City à aller faire un spectacle là-bas, un spectacle gratuit en plein air. Oui, je l'ai entendu parler. T'as entendu parler de la polémique qu'il y a eu parce qu'en fait, des citoyens se sont levés contre The New Pornographers parce qu'ils trouvaient que c'était une offense contre les victimes d'agression sexuelle. Parce qu'on sait bien que la musique de New Pornographers, c'est 100% porn all the time. Ah ouais, c'est violent. Oui, ouais. Vraiment, c'est ça. Ça fait vraiment référence. Le nom fait vraiment référence à la pornographie, évidemment. Sérieux, en tout cas. Mais bref, oui, ça fait vraiment toute une histoire. Ça s'est vraiment rendu quand même loin. Et donc, tout ça pour dire finalement que c'est pas vraiment une ville pour aller apprécier, je pense, la bonne musique. Puis d'ailleurs, nous, on est allé là, la journée qu'on est allé, c'était le dimanche dernier. Ah, le dimanche sacré, le septième jour, là? Tout est fermé, le dimanche. Ouais. Tout est fermé. Même les fast-food. Si un établissement est géré par des membres de cette église-là, le dimanche, c'est fermé. Donc, un McDonald's peut être fermé un dimanche si les propriétaires sont de cette église-là. Ouais. Donc, c'est assez spécial. La ville était vraiment pratiquement morte le dimanche passé. Et c'est comme ça à tous les dimanches. Donc, super. C'est spécial quand même, hein? Oui, oui. Puis en plus, le dimanche passé, c'était... vous avez sûrement entendu parler de la marche des 99%. Oui, occupons quelque chose, là, etc. Occupons Wall Street, ouais. C'est ça. Ben, dimanche passé, ça se passait à Salt Lake City. Ouais. Quel mauvais timing pour faire une manifestation. Il y avait personne. C'était quand même un peu drôle. Ouais. C'est triste. Hein. J'allais dire, ça a bonne allure. C'est le jour du sabbat. Ça a bonne allure! Oh. Il est 7h20, hein? Très bonne blague, Mathieu. Merci. Continue, Kevin. Alors, ben voilà, c'était pour côté road trip, là. Côté musical, en fait, dans mon road trip, c'était plutôt un échec, mais sinon, c'était quand même bien plaisant. Et un petit truc, finalement, un petit conseil voyage pour terminer sur le road trip. Si jamais vous faites un road trip qui n'a vraiment pas d'allure comme ça, je vous conseille peut-être de mentir aux douaniers en revenant, parce que quand vous leur dites la vérité, ils n'aiment vraiment pas ça de Ils peuvent pas comprendre qu'on avait fait comme 17 heures de route, là. Puis je pense que la seule raison pour laquelle ils nous ont pas fouillé, c'est qu'ils venaient juste d'envoyer les trois voitures en avant de nous pour aller se faire fouiller. Je pense qu'il y avait comme plus de place, mais voilà. Ça a pris comme 10 minutes aux douanes, là. Le douanier, il en revenait pas, il pouvait pas comprendre, là. Il était hors de lui. Mais bref, c'est pas une bonne idée de passer aux douanes en disant, ah, ben, on vient de faire 35 heures de route pour aller voir des canyons. Ça passe pas. Non, vous disiez ça juste pour vous rendre intéressant, genre, ça fait 35 heures qu'on est sur la route. On est meilleur que vous autres. Puis là, finalement, ça vous a retombé dessus. Ouais, pas mal. Ouais. Donc, beau road trip. Si t'as des photos, tu m'enverras ça. Je sais pas si t'en as. Ben oui, parfait. Je t'enverrai ça, Mathieu. Good. Okay. Parlons donc maintenant d'actualité musicale un petit peu. Kiwan, il se passe des choses, là, dans la musique. Oui, ben ça a quand même été assez tranquille, là, cette semaine, ouais. Côté musical. Je voudrais que ce qui retient encore et toujours le plus l'attention, là, dans le Canada anglais, c'est vraiment Dan Mangan. Il monopolise toute l'attention. Il a beau avoir quelques sorties d'albums d'annoncer, puis tout. Dan Mangan, qui est en tournée canadienne présentement, là, on parle de lui tout le temps, partout. Donc, je vous en parlerai pas trop plus, parce que je sais que je vais devenir fatigant maintenant. Ben, une fois par chronique, c'est correct, ça. Oui, c'est ça. Mais sinon, il y a aussi, la semaine dernière, c'est pas un groupe canadien, par contre, c'est un groupe américain, mais The Black Keys ont annoncé la sortie de leur prochain album. Puis là, pour moi, c'est vraiment clair, là, que c'est un nouvel album. Semaine plus tard, là, maintenant c'est clair, mais au début ça a été lancé sous la forme d'une publicité d'une publicité virale. Donc on n'était pas sûr exactement qu'est-ce que c'était au juste. Ils ont créé le site wannabuyavan.com. Et quand tu allais sur ce site-là, tout ce que tu avais, c'était une publicité, comme sur les packs ou Kijiji, vraiment une annonce pour vendre une minivan. Avec du contreplaqué ses côtés, là, genre. Exactement. Ouais. Et puis, donc c'est vraiment une vraie annonce. En bas, il y avait le nom Pat et Dan, les membres du groupe, avec un numéro de téléphone. Et d'ailleurs, vous pouvez vraiment téléphoner à ce numéro-là. Puis il y a vraiment une boîte vocale et c'est vraiment les membres du groupe qui ont un message préenregistré et qui vous invitent vraiment à laisser des commentaires ou aux offres, peut-être, sur la vanne. Et puis là, moi, j'ai lu cet article-là sur Explain, mais là, le journaliste prétendait que possiblement, c'est possible, peut-être qu'ils vont utiliser des messages éventuellement pour faire quelque chose avec. Vous pouvez laisser, en fait, vos messages là, à Black Keys concernant leur belle minivan. 330-510-1206, ça, c'est à noter. Voilà. Ah, c'est très cool, par exemple, comme une 2. Peut-être que si jamais ton Corsica tient pas la route... Faudrait pas qu'ils me vendent ça cher, par exemple. On pourra voir. Donc, dans les autres sorties d'album, en fait, ce que je l'ai dit, l'album est prévu pour le 6 décembre de Black Keys. L'album s'appelle El Camino et va être disponible le 6 décembre, mais vous pouvez déjà le précommander si vous allez sur le site internet de Black Keys. El Camino, c'est quoi? C'est le camion, je pense, non? C'est ça? Ouais, non? Auto-camion. El Camino. Ouais, c'est ça. El Camino, à la base, c'est vraiment comme un mélange d'auto et de camion, là. Mais la photo qu'ils ont mis, le groupe, c'est comme un Dodge Caravan, ouais. Avec du bois dessus, là. Mm-hmm. Donc, c'est plus ou moins réel, mais finalement. Bah, les détails, hein? Ah! Ouais. Ça doit pas être des vrais gars de char. Non! Donc, dans les autres sorties, vous en avez parlé un peu plus tôt ce matin, Tegan et Sarah qui ont annoncé la semaine dernière qu'ils lançaient un CD-DVD live. Ça s'appelait Get Along. Ça sort le 15 novembre prochain, donc dans quelques semaines. Je sais pas, mais j'espérais qu'il y aurait des pièces inédites, probablement qu'on pourrait déjà... entendre, mais j'ai vraiment rien trouvé sur cet album-là, donc ça va peut-être être juste des pièces connues live, mais j'espère qu'il y aura au moins une ou deux pièces inédites. Donc ça, c'est pour le 15 novembre. Et sinon, Chad Van Gaylen, c'est pas une annonce officielle de sortie d'album, mais il était en entrevue avec Exclaim récemment, et on dirait qu'il fait un normand l'amour de lui-même, on dirait. il prévoit lancer, c'est pour ceux qui ne savent pas, le normand l'amour fait des cassettes, ouais, ouais. Qu'il vendait au Madrid, je sais pas si ça existe. Madrid est mort. Fini, ça. Il est mort, là, c'est fait, c'est officiel. Ouais. Ils n'ont pas transféré Normand ailleurs, rien? Il va où, Normand? Écoute, je sais pas. Il a pogné de peur. Je l'ai pas revu. Ouais. J'espère qu'il va trouver un autre point de vente là, pour cette magnifique cassette. Mais ce serait le fun si Chad faisait une version en anglais, tu sais, de Doignob, de Doignob, à la place de la poignée de porte, non? Ben, il me semble que ça pourrait presque fitter en plus avec la musique de Chad Van Gaylen. Oui. Mais bref, c'est ça, Chad Van Gaylen a annoncé qu'il prévoyait sortir 11 albums prochainement. Il dit pas de date, mais il dit dans un avenir proche. Okay. Et il prévoit même les sortir sur format cassette. Donc c'est pour ça que je faisais vraiment un lien avec Normand l'amour. Donc j'espère que ce sera quand même un peu plus grande qualité. Mais ce sera à surveiller donc pour Chad Van Gaylen dans les prochains mois. Albums cassettes. Le pire, c'est que, tu sais, je veux dire, on en connaît tous des artistes un petit peu dans notre vie à la radio aussi, tu sais, qui disent, les artistes, qu'ils sont capables, des fois, tu sais, ils ont le matériel, ils sont capables de faire de la musique aussi souvent que ça, peut-être deux albums, mettons, ou trois albums par année, certains, ça arrive, mais c'est les critiques de disques qui aiment pas ça parce qu'ils disent, si tu sors trois albums par année, c'est que nécessairement, tu les as botchés, tu sais. Non, mais c'est parce que, tu sais, quand tu sors un album, tu fais un tri, tu sais, tu prends tes meilleurs. Parce qu'il y en a qui sont 11, bien productifs. Mais ça peut-être pas super bonnes. Ça peut être 11 en, mettons, 3 ans, tu sais, peut-être. 4 par année, mettons, tu sais. Ouais. Dans le futur rapproché, qui dit, rapproché, ça veut pas dire dans 2 semaines, il va y avoir 11 albums, non? Ouais, j'espère. Je sais pas. Mais pour qu'ils disent 11 albums, j'imagine qu'ils doivent pas mal être tout fait. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il a accumulé du matériel depuis 5-6 années. Non, c'est sûr. Non, c'est pas les spécificités. On sait que Dumas l'avait fait dans les dernières années. Il avait sorti comme 3 albums en 1 an. Qui ça? Puis okay. C'est vrai que ça dilue un peu la concentration de bonnes pièces. C'est vrai. Maintenant que t'en parles, t'as peut-être raison. Sur ça, là. Ouais. Donc, voilà, vous pourrez... On pourrait essayer de voir les cassettes de Jad si ils seront si bonnes. Avez-vous encore des lecteurs cassettes? Je pensais à ça, mais je pourrais pas acheter une cassette de Jad. J'ai plus rien pour le truc. Moi, dans mon auto, ça sera correct. T'as Corsica, là, ça. 8 pistes et tout. Non, pas 8 pistes. Assez fou, moi, ça fait, je sais pas, peut-être 8 ans, mettons, que je suis sûr. Il y a déjà pas de lecteur cassette quand je suis arrivé, donc ça fait un bout qu'on s'est débarrassé de ça, sûrement une dizaine d'années, j'imagine. Dommage. Triste, il y avait ça en studio, tu pouvais faire appeler là-dessus, tout, là. Tu pouvais faire jouer du rewind en ondes, j'imagine. Fantastique. Fun. Good times. Ouais. Donc, Kiwan, on s'en va écouter les deux pièces que tu nous as proposées. Celle de Dan Mangan, ce sera. Il y a un nouveau vidéoclip pour ça, Rose of Houses. Oui, c'est ça. Dan Mangan a lancé un nouveau vidéoclip pour ça la semaine dernière. Rose of Houses, c'est le deuxième extrait de son album Oh Fortune. Et avant, on va entendre Chad Van Gaylen avec un extrait de Diaper Island. Tu nous as choisi Peace on the Rise. Oui. Cool. Alors, on va écouter ça tout de suite. Merci beaucoup, Kiwan, et à la semaine prochaine. Oui, merci à vous. À la semaine prochaine, Kiwan. Les gars. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye. OK, bye. Kiwan en direct de l'Alberta. C'est à l'assemblage requis, restez là. thought of houses, rows of houses, the sight of Broward, the taste of something. Thought of houses, rows, houses, Dan Mangan et la pièce Rose of Houses. En passant, il y a un nouveau vidéoclip pour cette pièce-là. Allez voir sur les différents internets près de chez vous. Ceux qui fonctionnent. Ceux qui fonctionnent. Ceux qui fonctionnent. Et c'est sûr que ça va mieux. C'est ça. Avant ça, on a entendu Chad Van Galen et la pièce Peace on the Rise. Et Chad Van Galen, en passant, sera à Montréal parce qu'il est en tournée là, en ce moment pour cet album-là. Il va être à Montréal le 25 octobre à la Sala Rossa. Ça, c'est grâce à Kiwan qu'on sait ça. Fantastique, c'est intéressant. C'est dans la chronique Kiwan en cavale. On prend une petite pause et on revient avec la chronique CNX. Restez là. Wouh! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Et maintenant, dans Assemblage requis, c'est CNX. Tu vas être content, François, il n'y a pas de chiptune le lundi parce qu'il y a trop de monde. J'ai pas la musique de jeux vidéo, dommage pour moi. Commençons avec la journée Steve Jobs en Californie. C'était hier, le dimanche 16 octobre. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a déclaré samedi que le dimanche serait proclamé jour Steve Jobs en Californie en hommage au cofondateur d'Apple qui est décédé le 5 octobre dernier. Il dit que dans sa vie comme dans son travail, Steve Jobs a personnifié le rêve américain. Donc là, est-ce que ça veut dire que ça va être à chaque année, ça? Steve Jobs était un visionnaire californien unique en son genre et il est normal que nous marquions ce jour en honneur à sa vie et à ses réalisations. Bon, dit-il. Un hommage privé à sa mémoire sera organisé, a été organisé dimanche. Là, faut que je parle au passé, ça a lieu dimanche. Par son équipe à l'Université californienne de Stanford dans Silicon Valley, selon les médias locaux. Le groupe informatique a précisé que l'événement était strictement privé et fermé à la presse. Les invitations ont été envoyées par le collectif Emerson, une association philanthropique fondée par Laureen Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs. Une autre cérémonie d'hommage destinée aux employés de la firme sera organisée le 19 octobre, donc mercredi, dans l'amphithéâtre du siège de la compagnie à Cupertino, également dans la Silicon Valley. Une autre nouvelle triste, un autre pionnier de l'informatique a disparu, mais celui-là, on le retrouvera pas sur les unes des journaux. Du tout. C'est qui? Ben, c'est Dennis McAllister Ritchie, qui s'est éteint le 8 octobre dernier des suites d'une longue maladie. Ça vous dit peut-être rien? Pas tout. Il est à l'origine du langage C et l'un des principaux développeurs du système Unix. Au début des années 70, travaillant alors pour les laboratoires de Bell, il invente avec Ken Thompson le langage C. Lassé du langage B de l'époque, ils ont tous deux décidé d'en écrire un autre. 40 ans plus tard, C et Unix sont encore les deux technologies les plus utilisées dans le monde entier. En effet, que ce soit Windows ou Linux, tous les systèmes d'exploitation actuels sont développés en langage C et C++ et reposent sur les concepts d'Unix. Même les technologies les plus récentes, telles que le système d'exploitation mobile d'Apple iOS et son langage Objective-C, ne sont en réalité que des dérivés d'Unix et du C. Mac OS X, le système d'exploitation d'Apple, ceux sur les Mac, là, est Unix aussi. On dit s'il n'y avait pas lieu et... Attends. s'il n'y avait pas eu C et Unix, l'informatique d'aujourd'hui ne ressemblerait pas à ça. Voilà. C'est fantastique. C'est donc Dennis McAllister Ritchie décédé le 8 octobre dernier. Est-ce que tu connaissais, toi, ou... Non, avant non? de lire l'article, non, je ne connaissais pas le nom du tout. Mais l'engage, un peu. Pas plus que ça. Parlons de Microsoft maintenant qui s'engage dans le web social avec Skype. C'est officiel, le service de clavardage vidéo Skype fait désormais partie officiellement de Microsoft. Les deux sociétés ont uni leur destinée jeudi soir lorsque Microsoft a complété son rachat de Skype, une transaction évaluée à 8,5 milliards de dollars américains. Cette conclusion survient 5 mois après l'annonce de l'entente par Microsoft, dont on avait parlé ici à l'émission. Cette dernière compte sur Skype pour l'aider à rattraper son retard sur certains des marchés technologiques les plus en vogue et dans le multimédia. Ça comprend les relations sociales en ligne, la téléphonie cellulaire et la vidéo numérique. Les 170 millions d'utilisateurs de Skype ont effectué des appels audio et vidéo pendant 207 milliards de minutes l'an dernier, soit près de 400 000 fois le nombre de minutes dans une année. C'est hallucinant. Incroyable. Microsoft a indiqué que Skype serait exploité comme un temps de division. D'accord. On comprend absolument rien. Du plus important producteur de logiciels de la planète, merci à cyberprince.ca d'ailleurs, le chef de la direction de Skype, Tony Bates, se joint à Microsoft pour gérer la division et relèvera du chef de la direction de Microsoft, Steve Ballmer. C'est lui qui crie tout le temps et qui suit. Developers. Maintenant, parlons du futur selon Samsung. Des écrans LED, LED, dans les fenêtres, François. Les chercheurs de Samsung ont franchi un nouveau palier dans le domaine des écrans LED, ce qui pourrait mener à la production d'écrans ultra larges et abordables incorporés dans du verre ordinaire comme celui des vitres. Ces écrans géants pourraient remplacer un jour les fenêtres de nos bureaux et immeubles pour les éclairer et afficher des informations d'une façon novatrice. Et je cite, « Dans 10 ans, les vitres serviront d'éclairage et d'écran, ce qui donnera de la personnalité aux immeubles. » Non? Tu verrais moi, Twitter là. Dans ta fenêtre, genre... Ouais, peut-être. Non, je suis pas sûr que j'aimerais ça. Non, pas non. Tout à fait. Les LED aux nitrures de gallium actuellement sur le marché ne font que 5 cm et cette nouvelle technologie pourrait multiplier leur taille par 400. Si les écrans transparents semblent pour l'instant cantonnés aux films de science-fiction et à des prototypes présentés dans les salons consacrés aux nouvelles technologies, le cabinet de recherche Display Bank prévoit leur commercialisation auprès du grand public dès 2012. Pour des millions de dollars, sûrement. Oh oui. D'ici 2025, les estimations du cabinet annoncent 1,17 milliard d'écrans transparents sur le marché, générant 87,2 milliards de dollars de recettes. Samsung a déjà présenté plusieurs prototypes d'écrans transparents, comme celui de 22 pouces exposé au salon chinois Flat Panel Display cette année. Un lecteur MP3 à écran AMOLED tactile et transparent baptisé le Ice Touch. Et un prototype d'ordinateur portable doté d'un écran transparent couleur OLED de 14 pouces dévoilé au Consumer Electronics Show en 2010. La marque coréenne n'est pas la seule sur ce terrain. Sony Ericsson a développé le mobile Xperia Pureness. Doté d'un écran LCD transparent mais monochrome. Et LG a profité du Digital Signage Expo 2011 pour dévoiler son écran IPS LCD de 47 pouces qui pourrait avoir des applications futures dans la signalisation numérique. Ah, ça c'est bien ça. La signalisation numérique. Ouais, je sais pas si ça voudrait dire que peut-être que des pancartes pourraient être transparentes et afficher du texte, un petit peu comme dans un jeu vidéo où t'aurais du texte qui apparaîtrait en haut de la route pour te dire où tu t'en vas. C'est ça, ça. Il te reste 45 secondes. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Ouais. Nouvelle qui va peut-être te stresser, mettons, disons-le de même. Là, toi qui es tellement propre, là. Propre. Les téléphones portables sur 6 présentent des traces de matière fécale. Selon une étude menée au Royaume-Uni. C'est plaisant. Sur l'heure du déjeuner. C'était rendu public mercredi, ce qui met en cause la mauvaise hygiène des utilisateurs qui ne se lavent pas correctement les mains après être allés aux toilettes. Je ne suis pas surpris du tout. Non, c'est sûr. Non. Cette étude a été menée par des scientifiques de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et de l'Institut Queen Mary de l'Université de Londres. Ça met aussi en évidence une propension de la population à mentir sur son hygiène. Encore là, pas surpris. Si tu ne te laves pas les mains, tu le dis juste pas. Mais non, 95% des personnes interrogées dans le cadre de l'étude ont affirmé qu'elles se lavaient les mains dès que possible. 95%. Pourtant, 16% des mains et 16%, exactement le même nombre, 16% des mains et 16% des téléphones portables des participants portaient des traces de la bactérie E. coli, peu importe, présente dans les intestins et donc dans les matières fécales. Miam. Certaines souches de cette bactérie peuvent être mortelles, comme la souche O104 qui a tué 48 personnes en Allemagne en juin dernier. Je cite ici, « J'espère qu'à la pensée de porter de la bactérie E. coli sur les mains et sur le téléphone portable, les gens seront plus scrupuleux aux toilettes. Bien se laver les mains avec du savon est une chose simple, mais qui peut sauver la vie. » C'est ce qu'a souligné un docteur de la London School of Hygiene, etc. Les scientifiques ont mené cette étude dans 12 villes du Royaume-Uni et procédé à 390 prélèvements sur les téléphones portables et les mains des usagers avant d'analyser les germes présents. exactement le même pourcentage, donc c'est ça que ça veut dire. C'est, tu ne te lave pas les mains, ça, ouais. Tu as ça dans ton téléphone. A égale A. Parlons du iPhone un petit peu. En bref, la dev team, donc les développeurs, le genre pirate un peu, là, viennent de publier le fichier permettant de déverrouiller tout appareil sous iOS 5. C'est le nouveau système d'exploitation de l'iPhone, à exception faite de l'iPhone 4S et de l'iPad 2. Donc, Apple avait pourtant mieux protégé son système qu'auparavant, nous dit-on. Malgré le fait que l'action soit désormais considérée comme légale aux États-Unis, on avait parlé de ça à un moment donné, c'est rendu légal de hacker son téléphone pour faire ce que tu veux avec, parce qu'il t'appartient. Apple n'aime pas que l'on déverrouille ses appareils sous iOS, qu'on parle de l'iPhone, ben non, iPad ou iPod Touch, par un jailbreak. D'ailleurs, la firme à la pomme annule dans ce cas la garantie de l'appareil, s'ils s'en rendent compte. Parce que, tu sais, tu dois pouvoir prendre l'outil pour le remettre à la... tu le reset finalement avant de le donner, de le ramener au Apple Store, logiquement. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui le font pas. Hein. Ça, t'arrives au magasin, t'as tout ton iPhone déverrouillé. Pas fort! Pour la nouvelle version 5 de son système, Apple avait même trouvé une parade technique pour rendre le jailbreak plus difficile. Donc, un jour seulement après sa mise en disponibilité aux utilisateurs, elle a déjà été craquée par la fameuse et habituelle dev team. Elle vient en effet de publier sur son blog la version bêta de son jailbreak Red Snow pour iOS 5 qui fonctionne pour le moment pour les iPod Touch 3G et 4G, l'iPad 1 et les iPhone 3GS et 4, donc pas encore sur le 5 et sur le 4S. L'iPad 2 et surtout le nouvel iPhone 4S sont pour le moment absents, mais ça s'en vient. Autre limitation, il se fait uniquement via un ordinateur avec le smartphone ou la tablette reliée en USB, donc pas de verrouillage par les ondes Wi-Fi, là, sauf pour certaines versions de l'iPhone 3GS. Bon. Évidemment, il n'est pas recommandé de l'appliquer. En tout cas, moi, je sais pas si je le ferais, justement, si ça peut faire de ton téléphone une brique. Là. C'est déjà arrivé à du monde qui ont hacké leur téléphone et puis soudainement incapable de l'ouvrir et plus rien fonctionne. Pas sûr que je tenterais ma chance. Mais bon. La dev team conseille qu'aux développeurs de faire ça et ceux qui voudraient vérifier que leur application non officielle fonctionne bien sous iOS 5. En même temps, ils mettent le fichier à la disposition de tous. Donc, on se pose la question si vraiment les gens vont suivre les instructions et vont l'installer quand même. C'est probablement ce qui va arriver. Et on termine avec une dernière nouvelle sur le fait qu'il y a 50 millions de Nintendo DS qui ont été vendus aux États-Unis jusqu'à maintenant. Donc, quelque part, pendant le mois de septembre, les ventes de la Nintendo DS ont dépassé le cap de 50 millions de copies aux États-Unis. La console portable augmente donc son avance au sommet des consoles les plus vendues de l'histoire. Ce sont aussi 273 millions de jeux Nintendo DS qui ont été vendus aux États-Unis. Là, on combine là-dedans quand on donne des chiffres comme 50 millions, c'est toutes les sortes de DS, que ce soit la DS, la DSi, la DSi XL, la 3DS, toutes les sortes de DS. C'est donc, énorme. C'est énorme. Ça signifie, là, le calcul est douteux, mais quand même, ça signifie que chaque propriétaire a acheté plus de 5 jeux en moyenne. Est-ce que c'est le cas? En moyenne, non, sûrement pas. Ça représente aussi 107 000 jeux vendus à chaque jour. Encore une fois, 107 000? 107 000 jeux vendus à chaque jour. C'est ridicule, c'est un énorme succès. Par contre, je crois pas que la 3DS soit celle qui fait vendre le plus de jeux en ce moment. Ouais, je sais pas. Mais bon. On finit avec les jeux en magasin cette semaine. Commençons par les jeux multiplateformes. Sur... Xbox et PS3, on retrouve Batman, le nouveau Arkham City, celui dont tout le monde parle, les critiques adorent ce jeu-là. Arkham City, ça c'est par Square Enix. Le nouveau jeu dont je te parlais l'autre jour et qui avait l'air de quand même te tenter, Rocksmith, sur Xbox, PS3 et PC, c'est le jeu où tu prends une vraie guitare, là, ta vraie guitare qui t'appartient, tu vas t'en acheter une. Ouais. Tu joues aux jeux vidéo avec des vraies notes, donc c'est vraiment pour les musiciens, alors que les musiciens qui jouent à Rock Band et Guitar Hero trouvent que c'est pas du tout représentatif. Voilà. Ça s'appelle Rocksmith. Ben 10 Galactic Racing sur Xbox, PS3, Wii, 3DS et Nintendo DS. Donc ça, c'est un petit jeu pour enfants qui sort partout. Hein. C'est de même, ça marche. The Sims 3 Pets sur Xbox 360, PS3 et PC. Ça, c'est le jeu avec les animaux de compagnie des Sims. Hein? Bon. Les jeux sont nommés de façon très originale. Sur Xbox 360, Power Up Heroes de Ubisoft et Minute to Win It de South Peak. Minute to Win It, comme le... Le jeu télé. Ah, ouais. Celui où tu as une minute pour accomplir un défi des plus ridicules. Ouais, c'est fun à regarder. Ouais, ça a été retiré, ça joue plus. Ah non, t'es sérieux? Ben oui. Ça fait pas longtemps? Non, mais ça va jouer en reprise, j'imagine, pour un bout sur d'autres chaînes. Mais quand même, le réseau d'origine l'a retiré. Oui. Sur PlayStation 3, je sais pas. Coûtait cher. Manque de code d'écoute. Ouais, je sais pas. PlayStation 3, Ratchet & Clank, All for One. Enfin, une suite à Ratchet & Clank par Sony Computer Entertainment America. Sur 3DS, Pet Zombies de Majesco. Et sur DS et DSi, Professor Layton and the Last Spectre, le jeu où on cherche, où on résout des puzzles. C'est un jeu de Nintendo. Et iHeart Geeks, que je connais pas, mais j'ai hâte d'aller voir ce que ça veut dire. iHeart Geeks de Atari. Et finalement, sur PSP, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact de Namco Bandai Games. Voilà pour les jeux en magasin cette semaine. Ouais, ben, ça veut pas dire qu'on va tous les expliquer en détail, les jeux, à un moment donné, hein, ça commencerait à être compliqué. Ah, hein? C'est sûr. Ouais. Voilà pour la première heure aussi d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt. Qu'est-ce qu'on a en début de deuxième heure, mon François-Olivier Marchand? Xavier, qui nous parle de thé et de cuisine. Oui, il est là, bonjour. On le voit d'ici. Là. Il a l'air en pleine forme ce matin. Il est comme à un bras à peu près. Oui, il a l'air en forme, c'est vrai. Il arrive tôt aussi ce matin. C'est un matinal. Je pense qu'il a passé une belle nuit de sommeil. Ouais. Ou pas. Donc, on revient après l'info campus. Restez avec nous. Assez fou pour m'écouter. 82 I like what your t-shirt says. I'm with stupid and stupid's with me. Bon retour, vous êtes à l'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de ses fois à Trois-Rivières en ce lundi 17 octobre 2011. Et lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Ben oui, ben il me semble en tout cas. C'est ça? Ben oui. Mathieu Plante. Plante. Plante. Oui. D'accord. Plante. Donc, pour débuter cette deuxième heure, je pense que tout le monde va être heureux. Mais comment? Plante. Une belle plante. Est-ce que t'es en train de rire de ma belle plante? Hein? Un petit peu. OK. C'est le moment de parler de thé avec Xavier. Voici Tais-toi et cuisine. Oh, cool! J'aurais pu dire que en tu... En pleine forme. Oui. On atteint les enfants. Ça, toi, tu ris pas de ma tige. Non, je rirai jamais de ta tige. Non, c'est ça. Bon! C'est bien dit. Aujourd'hui, Xavier, bon, bienvenue à toi pour un moment dans nos studios après une semaine d'absence la semaine passée. Ah oui! Une petite semaine de congé. Semaine de congé, oui et non, parce que ça m'a permis de faire quelques petits tests en cuisine. Donc, c'est ça, j'ai profité pour faire quelque chose de pas mal poussé. Ouais. J'étais vraiment pas sûr de ce que ça allait donner, donc j'ai profité de cette semaine-là pour faire vraiment des tests en cuisine, voir comment ça réagit. Et ça a donné quelque chose de très, très bon qui a été très apprécié d'un sommelier, puisqu'on a aussi eu l'occasion de manger ça avec aussi un petit vin blanc. C'est vraiment génial. Oh, tu pourrais nous faire une chronique vin aussi, à un moment donné, si tu commences à connaître ça. Non. Une par jour. On aurait beaucoup de choses à goûter. Non, peut-être pas. Boire du vin le matin, là. Quoi? Surtout, vous déjeunez pas tant que ça, ça risque d'aller facilement dans le corps. C'est à peu près ça. Donc, avant de parler de nourriture, tantôt, tu vas nous parler de ce que tu nous as concocté pour tout à l'heure. Ouais. Mais là, on a du thé à goûter. Exactement. Donc, aujourd'hui, thème de la chronique, on est sur l'été oolong. Donc, on continue à monter dans l'oxydation des thés. Donc, le oolong, ça va être un thé semi-oxydé. Donc, pile entre un thé vert et un thé noir. Et dans le fond, au niveau de la théine infusée correctement, je précise toujours ce paramètre-là, c'est vraiment un petit peu plus fort en théine qu'en thé vert, donc il risque de réveiller un petit peu plus. Ok, ça j'aime ça. Le matin, en tout cas, c'est ce que j'aime. Exactement. Grand avantage des thés oolong, c'est que dans le fond, c'est des thés qu'on peut faire infuser plusieurs fois. Et pour les thés oolong traditionnels, on va même trouver des petites nuances de beurre, de noisettes dans les infusions différentes. Okay. Donc, tu fais une première infusion, tu enlèves ton infuseur, tu bois, tu le refais infuser une autre fois et tu as des petites nuances comme ça qui vont changer à chaque fois. Et entre les deux, tu le gardes au frigo? Ben, si tu le fais comme plus tard dans la semaine, je conseille vraiment de le mettre au frigo. Si dans la même journée, tu peux le laisser sur le comptoir couvert sans problème. Okay. Et combien de temps est-ce qu'on peut garder ça au frigo? Je te dirais que moi, j'ai déjà réussi à garder comme les mêmes feuilles de thé pour 2 semaines. Donc, wow. En l'utilisant pas tous les jours quand même? Non, parce que généralement, 3, 4, 5 infusions grand maximum. Après, il y a comme plus grand chose. Parfait. François, tu disais? Non, c'est bon, c'est très bon quand tu peux les réutiliser. Là. Exactement. Ben, dans le fond, le thé oolong est généralement un petit peu plus dispendieux que le thé noir. Donc, par exemple, ceux que je vous ai emmenés aujourd'hui sont à 18$ pour le 100 grammes. Donc, hey, 100 grammes, c'est vraiment pour 50 tasses de thé normal sans compter les réinfusions. 50? Oui. C'est bon. C'est quand même bien, je trouve. C'est bon. Ça a du sens, mais c'est ça. C'est plus cher que l'autre, que ce qu'on achète d'habitude. Exactement. D'accord. Donc là, vous pouvez déjà enlever vos infuseurs. Ah oui, déjà? Donc, François-Olivier, tu as un thé oolong avec un mélange d'amandes, pêche, abricot bon. Et zeste d'orange. Ça sent très bon. C'est la semaine à François pour le thé avec de la saveur, mettons, là. Hein? Chacun son tour, hein? Ouais, c'est ça. À la prochaine fois, je vais te faire plaisir. Je vais ramener de, je vais peut-être ramener deux aromatisés la prochaine fois. Merci. Je vais rien. Puis Mathieu, toi, tu as un traditionnel, donc le thé Kuan Yin. C'est un thé quand même assez répandu, celui-là. Donc c'est un thé qui vient de Taïwan. Donc généralement, les houlongs viennent de Chine, de Taïwan. Mais c'est vrai qu'on pourrait en trouver qui viennent d'ailleurs aussi. Mais c'est vrai que ça prend un processus quand même assez, assez spécifique pour préparer un thé houlong. Okay. J'ai vu que tu en as mis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la poche quand même comparé à ce qu'on voit d'habitude. Ben, figure-toi que j'ai mis à peine une cuillère et demie. Ah, c'est... Justement, François. François devient expert dans le thé. Hein? Il voulait faire plaisir à Xavier, t'aimes ce son-là, hein? C'est quand on boit du thé. Là. Et dans le fond, c'est pour ça, le thé houlong, c'est vraiment le plus évident quand on dit vraiment qu'un thé a besoin d'énormément d'espace. C'est parce que les feuilles sont quand même très... D'espace? Oui, ben dans le fond, c'est pour ça qu'il faut un infuseur très volumineux pour que les feuilles puissent comme s'ouvrir correctement dans le dans l'infuseur. OK, de là, la boule, en fait, c'est pas toujours bon. Exactement. C'est pour ça que, dans le fond, les filtres que moi, je vous emmène, ce sont des filtres, dans le fond, en chanvre, réutilisables, avec des parois qui, dans le fond, sont légèrement extensibles. C'est réutilisable? Oui. Ça, je savais pas ça. Biodégradable, pardon. Ah, pas biodégradable. Biodégradable. Okay, okay. Non, OK, parfait. Non, tu peux le jeter à terre, ça, mais tu le fais pas, dans un compost, c'est très bien. Exactement. Mm-hmm. Ben, dans le fond, Mathieu, je vais te montrer, ben, tu as vu à quoi ça ressemblait à la base. Donc, oui. Une cuillère et demie de ça, une cuillère et demie à thé de ça, ça te donne ça dans ton infuseur. C'est quand même bien compressé, c'est des petits bouts vraiment comme pognés ensemble. Exactement, les feuilles de houlong entre chaque séchage, dans le fond, on va les rouler à la main justement pour briser toutes les petites cellules de... les cellules dans les feuilles de thé, ouais. Ce qui va permettre de dégager les petites huiles à chaque fois. Ça, je me trompe, là, mais tu peux pas passer les douanes avec ça. Là. C'est ça vrai ressemble que ça... à quoi? Je sais pas, j'en ai jamais vu. Je vous dirais quoi? Je vous dirais que certains clients me l'ont déjà dit. Ah oui. Et quand des clients me disent, je te dirais pas à quoi ça ressemble, parce que oui, ça ressemble à ça, je suis personne d'accord. Personne veut s'assumer là-dedans, hein? Personne, non. Non, ouais. Mais ça peut être un peu ça problématique. Peut là. On s'entend que c'est quand même... Ça sent pas, mais... Ouais, ça reste des feuilles séchées. Mais ils vont y goûter, puis ils vont bien comprendre que ça goûte l'été. Oh, mais assez d'expliquer si le gars est un peu borné, là. C'est ouais, ça. Effectivement. C'est pour ça que généralement, évite de mettre ça dans ton bagage à main, mais ça dans ton bagage en soute. Ouais. Ouais. Sinon, ça pourrait ressembler aussi à ce qui sert pour faire de l'astroturf, là, le faux gazon dans des terrains. Là. C'est comme vert et gazonneux. Oh. Je voudrais bien avoir un jardin avec des camélias sinensis. Ah. Ça pourrait être sympa, je ferais mon propre thé. Ah. C'est ce qu'on peut le faire ici au Québec? J'en ai aucune idée si moindrement les camélias sinensis pourraient pousser correctement au Québec. La température, ouais, c'est ça, ou peut-être à l'intérieur, j'imagine. En fait, je dirais que ça pourrait peut-être se faire, mais on aurait vraiment des résultats assez particuliers. Donc, je ferai des petites recherches, puis je vous reviendrai là-dessus, je poserai des petites questions à droite à gauche. Bon, donc moi, je viens de goûter au mien pour la première fois. Est-ce que c'est psychologique le fait que la couleur, parce qu'il est comme un petit peu jaune, me donne l'impression qu'il est un petit peu citronné? Ben, dans le fond, il est absolument pas citronné. T'es non, fou! Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais, en fait. T'es complètement fou! Et dans le fond, c'est pour ça aussi que généralement, plus il y a de tanins à l'intérieur, généralement, plus ça va paraître foncé. Donc, c'est normal que plus tu vas le laisser infuser, plus il y aura de tanins, donc plus ça va être foncé, blablabla. Et justement, en parlant de cuisine, parce qu'on va légèrement dévier à partir de maintenant. Ah oui. C'est le thé Kuan Yin que j'ai utilisé pour faire ma recette de la semaine. Donc, j'ai fait infuser du houlong, déjà. Donc, dans de l'eau tiède, j'ai pas voulu faire dans une eau trop chaude. Je l'ai mis ensuite au réfrigérateur pour une nuit complète, pour continuer à infuser lentement, pour avoir quelque chose de très fort. Dans un plat assez volumineux. Et j'ai rajouté par la suite des tranches d'oignons, des gousses d'ail, du thym. Et j'ai rajouté de l'agave aussi. Des gousses d'ail? Oui, des gousses d'ail. Oh ouais. C'est assez sympa justement pour donner un petit peu plus de force et de goût à de la viande. Généralement, on peut comme mixer directement de l'ail avec du sel, du poivre, etc. Comme par exemple préparer un rôti. Donc tu pourrais piquer un rôti et mettre ça à l'intérieur. Mais si tu peux aussi, pour une marinade, mettre des gousses d'ail aussi. Ça peut te permettre aussi par la suite de comme confire les gousses d'ail. C'est assez sympa les gousses d'ail confites. Moi j'aime ça. Ah ouais? J'ai jamais goûté. Ou non plus. Ben, essayez ça à l'occasion. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, C'est confit, là, c'est parce que c'est quoi? C'est rendu caramélisé? Ben, pas nécessairement caramélisé. C'est souvent que parce qu'on va peut-être les faire vieillir un petit peu. Donc, ça va être vraiment comme dans un bocal qu'on va vraiment laisser très longtemps. Mais moi, quand je fais mes gousses d'ail comme ça, je vais juste les faire poêler rapidement à haute température, justement, pour les faire fondre légèrement, les rendre un petit peu plus... molles. Exactement. OK. C'est ce qu'on appelle conflit. OK, parfait. Ouais. Fantastique. Ouais. Je fais des faces, mais en fin de compte, on voit pas mes faces par le micro. Non, c'est ça qu'il y a quelqu'un qui répond comme ça. Les auditeurs le savent pas, mais... Mais c'est ça. Oui, donc je reviens sur l'idée de la caméra, ça pourrait aider. Oui, oui, oui, oui. Puis donc c'est ça, donc par la suite j'ai mis vraiment mes tranches de viande directement dans le plat. Donc pour vraiment que toutes les tranches de viande trempent totalement dans le mélange de thé, d'oignons, d'ail et blablabla. Mm-hmm. Et je les fais poêler directement en rajoutant du sel que d'un seul côté et du poivre. Donc je fais vraiment quelque chose de très basique. Et justement le fait de laisser la viande comme ça dans du thé a rendu la viande extrêmement tendre. J'étais extrêmement surpris du résultat aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'avais accompagné ça d'un petit sauté de légumes. Et puis j'avais pris des feuilles de lasagne. Sauf qu'au lieu de faire des vraies lasagnes, j'avais juste comme cuit les feuilles de lasagne. J'avais disposé une feuille de lasagne, le sauté de légumes et une autre feuille de lasagne. Donc c'était des fausses lasagnes accompagnées de viande comme ça. Miam. En gros, ce que vous allez manger à midi. Ouais. Parce que j'ai comme pas eu le temps de faire cuire la viande à matin, donc je vous ramène ça à midi. Ah, ben c'est pas grave. De toute façon, comme déjeuner, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Ouais. Quoique, moi, je mange n'importe quoi à n'importe quelle heure, vous le savez. C'est très, très louche. Ouais, c'est ça. Ah, quand on y pense. Hein. Ouais. Sacré Mathieu. Donc, on va t'attendre ce midi quand tu veux. Ça me fera plaisir de passer vous voir encore à midi. Oui. Et puis, on te remercie. Tout? Je vous dirais que oui, pour aujourd'hui, oui, c'est une chronique assez courte aujourd'hui, mais je voudrais que la semaine prochaine, on va débarquer dans l'été noir. Donc, comme tu m'avais parlé, vous deux m'avez parlé, quelque chose spécial Halloween, comme des choses avec de la citrouille. Oui. Ça sent bien la semaine prochaine. Génial. Fantastique. C'est tellement bon, c'est de la citrouille. Les biscuits à citrouille, mettons. Écoute, je ne trippe pas tant que ça. Bien la citrouille, c'est bien. Mais une fois par année, tu sais, c'est comme on en abuse pas. Non, on en abuse pas, loin de là. Mais comme celui que je vais vous emmener la semaine prochaine, ça va être un mélange de cannelle, clou de girofle, cardamome. Il y aura des pépites de citrouille et du caramel. Donc ça va être quand même légèrement sucré. Ouais. Donc c'est parfait aussi si vous voulez rajouter du lait là-dedans. Et si j'ai le temps, je vais même vous préparer des muffins avec ça, en plus de vous ramener votre dîner de la semaine prochaine. Passe pas trop de temps non plus, là. mais j'aime ça cuisiner. Ah non, mais c'est parfait. On apprécie grandement là. En fait, et puis je vais en profiter, je vais gâter mon staff aussi en même temps. Ouais. Ah bon, mais dis-toi qui fait ça pour son staff, puis ça donne à nous en donner. Ah, un c'est peu parfait. Aussi. Bon. Voilà, c'est réglé. Merci Xavier. Ça fait plaisir. À lundi prochain à 8h pour notre chronique thé, toi et cuisine. Ouais. De toujours assemblage requis. Nous, on s'en va entendre un petit peu de Feist sur son album Metals. Voici The Bad in Each Other. On aime ça. On aime ça en masse. À 9h et restez là tantôt, c'est Nicolas Ducharme et sa chronique Sports.

Puis un jour le hasard te posera près de moi. Comment pourrais-je savoir? Il s'agira de toi. Si seulement je savais qui tu es. En attendant, je prends le métro, cherche des racines en plasticine, dans les tunnels couleur pastel. De temps en temps, ton écho souffle à mon oreille un rêve caramel. Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Oui, vous êtes toujours à assemblage requis, et puis il nous reste 25 minutes environ, le temps de parler de sports. Sports avec notre ami journaliste de l'Écho de Trois-Rivières, Nicolas Ducharme. Intro. Bonjour Nicolas. Bon matin, monsieur. Vous allez bien? Comment ça va? Ah bien, ça va bien. Là, un gros lundi. Grosse fin de semaine au très niveau du sport. Grosse fin de semaine. Certains ont dit que c'était une fin de semaine noire. Bon, pour le citer, Philippe Doucet, là, s'il nous écoute ce matin, il me dit samedi soir, il me dit fin de semaine noire. Il dit les Patriotes ont perdu. Et il y a eu les niaiseries à la boxe. Je sais pas si vous en avez été témoin. Non, je sais pas. Je l'ai pas vu pendant tout. C'était... Écoute, WrestleMania in the ring. Bye-bye. T'sais, c'était un combat attendu de Chad Dawson, Bernard Hopkins, deux grandes gueules, deux gars. C'était Bernard Hopkins qui avait la ceinture. Qui avait la ceinture à ce moment-là. Dawson, on connaît l'histoire avec Jean Pascal, qui avait perdu sa ceinture à Jean Pascal et qui ensuite, s'est en allé. Lui, Dawson a été tassé, Pascal a affronté Hopkins, B-Hop deux fois, a perdu les deux combats. Pas vrai, il y a une nulle, mais bon. Il a gardé sa ceinture le premier combat. Ouais, ben, tant qu'à moi, c'était une défaite, c'est ça que je veux dire, là. Mais réellement, c'était nul, tant qu'à moi, c'était une défaite. Mais, donc, à ce moment-là, B-Hop se retrouve contre Dawson. Combat, s'attendu, on vend des billets, patati patata. Et deuxième round, B-Hop qui, Chad Dawson se baisse, B-Hop grimpe un peu dessus pour je ne sais pas, lui faire une genre de... Ben, ou reprendre son souffle dans le sens où l'arbitre non, les sépare. Non, parce que l'autre était baissé, c'était comme un peu pour la gripper, c'est-à-dire on met du poids sur le boxeur, les jambes vont à ce moment-là subir un peu le shot, puis ça va juste fatiguer un peu plus les jambes rapidement, puis bon, les jambes, c'est le nerf de la guerre à la boxe, là, avec les jabs, là. Donc à ce moment-là, Dawson décide de se relever très rapidement, fait soulever Hopkins. Ah ouais, il l'a levé? Ah ouais, digne de la lutte. Digne d'un slam. Et bon, il se retrouve au dos, dit que son épaule a frappé par terre, du moins l'épaule, le bras. Hopkins, Hopkins crie à la dislocation de l'épaule. Et du côté de l'arbitre, on n'a pas appelé une faute. Donc, en n'appelant pas une faute, c'est un chaos technique, c'est-à-dire Hopkins abandonne. Dû pour cause de blessure. Dawson est maintenant propriétaire de cette ceinture-là. Eh boy, tu sais, c'est pour ça que la boxe, des fois, là, on n'aime pas ça. C'est pour des niaiseries de même. Je suis plein ceux qui ont payé 60$ pour commander ça sur, sur pay-per-view. Et puis, ça, en fait, là, est-ce qu'il y avait une rivalité comme, comme Jean-Pascal? Est-ce qu'il y a un peu des bêtises? Tu sais, la boxe, la rivalité, ça se crie, ça se crie rapidement. Donc, est-ce qu'il y avait une rivalité? Je ne sais pas. Là, j'ai pas été totalement tué avec ça, mais c'est juste poche. Là, puis là, ben, Dawson, à ce moment-ci, veut se sauver. Là, il veut revoir Pascal parce que Pascal l'avait vaincu l'été dernier. OK, fait que là, il va affronter Pascal, Jean-Pascal? Ben ça, c'est ce qu'il veut. B-Hop va vouloir une revanche, donc... On va laisser, là, ça c'est les aléas de la boxe là, qui vont décider ça dans les prochaines, prochaines semaines. Je pense que Jean-Pascal aimerait mieux affronter Dawson. Je pense que Pascal, lui, il veut juste affronter quelqu'un, là. Tu comprends? Mais est-ce qu'il va affronter qui, là? Ça va être dans les hautes sphères de la boxe que ça va se décider. C'est loin d'être fait. Si vous voulez mon avis, là-dessus, il va falloir attendre un petit bout là, pour que ça se décide dans les prochaines semaines. Et ça, c'était quand? C'était vendredi? Non, c'était samedi soir. C'était samedi. Du côté de... Oh, j'ai oublié l'endroit, par contre. J'ai un blanc, je pense, peut-être. Las Vegas. Las Vegas, New York, peut-être le MGM Grand, peut-être le... Je ne sais plus. C'est pas au Madison Square Garden. Je le sais parce que... Je m'en vais sur le Madison Square Garden. Michael Zuski, le boxeur truffulien qui va se battre au théâtre du Madison Square Garden. C'est cette fin de semaine, le samedi, il a pris un dernier combat à la dernière minute contre William Wilson, qui est un peu un inconnu là, pour nous ici. Du côté de Zuski, c'est une bonne façon de se faire voir parce que c'est un combat qui est à HBO. Il y a un championnat du monde sur ce combat-là. C'est un gros combat. Il y a du monde. Donc, c'est une bonne manière de se faire voir là, du côté du jeune boxeur truffulien. Hey messieurs, je commence tout de suite rapidement parce que je veux garder un peu de temps pour mon sujet de la fin. Donc, quelques petits résultats locaux. Là. Caron et Gay, deux défaites en fin de semaine. 4-2 vendredi soir et 5-4 samedi soir. Les deux matchs contre Saint-Georges, vendredi c'était à la maison. Samedi, c'était du côté du centre sportif La Croix-du-Til. Ça va pas bien là, pour le Caron et Gay. Non seulement on n'a pas encore de victoire, mais surtout les foules, c'est extrêmement décevant. On parle de c'est fini, là. Ben, je sais pas si c'est fini, mais c'est la dernière année. Ben, 654 personnes en fin de semaine, là, je pense pas que je suis pas sûr qu'on va se rendre à la fin de l'année. Pas sûr qu'on va se rendre à la fin de la 2011, saison. 2011, juste là? Ben, ça se pourrait que 2011 n'ait plus de hockey. Hey. Moi, je trouve que ça va vraiment pas bien. Est-ce que, bon, ça peut revirer, je sais pas, mais. Je pense pas. Ça regarde très mal. Mais est-ce quoi, ils vont déménager, ils vont vendre, ils vont le fermer tout simplement? Il y a d'autres options, ça s'est déjà vu, là. Il y a des options qui peuvent s'offrir. On a déjà vu des clubs être déménagés en plein milieu de la saison, mais. Ben, la Ligue nord-américaine, se porte comment? Ça dépend où. Il y avait 2000 personnes à Saint-Georges-de-Beauce. Il y en avait 1800 à peu près à Jonquière vendredi. Mais ici, il y en a 650. Le problème est où? Il y a de multiples endroits. Certains vont reprocher le il y a eu gros de la guéguerre. Je veux pas rentrer là-dedans là, parce que c'est très large, là, les possibilités. Mais il y a eu gros de la guéguerre interne. Puis il y a eu gros. Il y a un manque de marketing. On les voit pas de nulle part, le Caron et Gay. On n'entend pas parler. Donc, puis il y a les cataractes de Shawinigan qui drainent énormément d'énergie. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est la Ligue Senior Mauricie qui attire, bon, 700 personnes à Louisville, 700 personnes au Cap, 700 personnes à Nicolet, mettons, 500-600. Donc, à ce moment-là, on dirait que tout le monde est venu chercher de partout. On dirait que c'est le Caron Aiguille qui a perdu à toutes les autres. Donc, le Caron Aiguille, ça regarde très mal. Cataract, on en parlait, on va continuer. Cataract, deux défaites cette fin de semaine. Rouyn-Noranda, 4-1. C'était samedi et hier, des défaites. Une défaite plutôt de 3-2 contre Val-d'Or. Match décevant, défaite décevante. On menait là, du côté des Cataracts. Que voulez-vous? Une défaite de plus. Ça va pas très bien là, à date là, comme début de saison. On espérait mieux. Diablos de Trois-Rivières, défaite de 22-9. On a quand même vendu notre peau très chèrement là, du côté des Diablos. On s'est défendu contre le campus Notre-Dame-de-Foy, mais défaite en bout de ligne samedi soir. Et on tombe là, extrêmement local là, du côté des Patriotes de l'UQTR. Je tape ça à la table là, pour vous le montrer. Cogner sur le micro, c'est pas aussi beau. Hein? Ouais, c'est pas très beau, Alors, on y va avec le soccer. Les femmes, une défaite de 1-0 contre Sherbrooke vendredi. Une autre défaite de... deux victoires plutôt. Non, je change. 1-0 la défaite contre Varéor vendredi et une victoire de 2-0 contre Bishop dimanche. Ce qui fait que les filles sont présentement au cinquième rang des classements là, du côté du soccer féminin extérieur du RSEQ. On est à égalité avec le quatrième rang. On a des gros matchs qui s'en viennent. Les quatre premières équipes font les séries. C'est loin d'être assuré pour nos filles. Du côté des hommes, un seul match en fin de semaine. Une défaite de 1-0 contre le Varéa aussi vendredi dernier. Ce qui fait que les hommes de leur côté sont en sixième position avec 8 points. La quatrième position en a 11. C'était Sherbrooke. C'était un match de 3 points, comme on peut dire. On l'a échappé. Là, un match de 6 points, devrais-je dire. On l'a échappé du côté des Patriotes. Donc, ça fait mal à leur chance de faire les séries. Hockey, une victoire, une défaite en fin de semaine. Vendredi, une victoire de 6-2 contre Wilfrid Laurier. Et samedi, une défaite de 6-2 aussi. Du côté du Colisée de Trois-Rivières, c'était contre les Badgers de Brock. Un match très décevant. On a très mal joué du côté des Patriotes. Je vous dirais que c'est... depuis le temps que j'ai couvert les Patriotes, là, monsieur, là, vous pouvez remonter à quand même il y a 2 ans. Mm-hmm. C'est une des pires performances que j'ai vues de l'équipe depuis 7 ans. C'était pas très, très beau à voir. C'était pas très hot, Patriotes. Mettons, c'était pas très bon. Point. T'aimes pas ça, pas très hot? Patriote. Ouais. Suggère-le à leur équipe de communication et de marketing. On va voir ce qu'ils en pensent. Mais je doute que ça soit adopté. Hey, Cédric, je t'en pense. De... Crie-le sur Facebook. Crie-le sur le Facebook. Alors, très décevant comme performance. Beaucoup de cheap shots. Sérieusement, quand je vois des matchs comme ça avec des coups vicieux de part et d'autre, c'est vrai que je me dis que je suis pour là, la bataille au hockey. Non. Tout simplement. Tant qu'à... tant qu'à envoyer des coups de bâton en pleine face, des coups de bâton, des coups de genoux, à un moment donné, tu règles ça entre hommes sur la glace. Et je peux te dire que ça avait le goût de se régler ça en pleine face. Mais c'est le problème de la Ligue de hockey universitaire canadienne. Il n'y a pas de bataille. Donc, des fois, ça donne du beau spectacle. Ça donne un spectacle qui est propre. Mais d'autres fois, ça dégénère, comme on a pu voir là, samedi. Hey, grosse nouvelle aussi là, pour les Patriotes natation. Caroline Lapierre-Lemire, là, la jeune nageuse de deuxième année des Patriotes, a remporté la médaille de bronze au relais 400 mètres au Jeux panaméricains. Ah ouais, c'est sûr. Donc, félicitations à elle. Elle a encore deux compétitions qui s'en viennent, mercredi, vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, félicitations à elle. Et je peux vous dire qu'elle a réalisé si je ne me trompe pas, là, parce que c'est deux types de nage en relais. Et si je ne me trompe pas, là, si je me souviens bien, elle a réalisé le meilleur et le deuxième meilleur temps de son équipe canadienne. Wow. Donc, félicitations à Caroline, lâche pas la grande. Canadien de Montréal, je vous en parle même pas, vous l'avez vu, là, c'était pas un festival offensif samedi. Là, donc, on va peut-être finir par en gagner une là, du côté du Canadien, on en a une, mais. T'es optimiste? Ça serait le fun qu'on en gagne plus qu'une. Hey, messieurs, je vais conclure avec une note très triste. Je termine ma portion de chronique avec ça. Ceux qui n'ont pas écouté les nouvelles hier, très tragique accident du côté de la piste de Las Vegas hier en IndyCar. Le champion à deux reprises des 500 000 d'Indianapolis, Dan Weldon, aussi champion de la série à une occasion, est décédé hier dans un accident tragique. C'est-à-dire qu'on a eu droit au 11e tour à un méga carambolage. On parle d'à peu près 15 voitures qui ont été impliquées. Et Weldon, qui partait dernier, est arrivé à la remorque. Certains chars, plusieurs voitures ont ralenti. Sa voiture, lui, n'a pas ralenti et malheureusement, a été soulevé dans les airs. Il a jumpé, genre, sa remorque? Non, à la remorque, ça veut dire t'es arrivé à la fin, t'es dans la remorque du peloton. Sa voiture s'est soulevée, a fait un tonneau et a été connecté, vraiment a été frappé le haut de la clôture de protection à l'extérieur de la piste. C'est un ovale, là, bien sûr. Là. Donc, ce qui est arrivé, j'ai vu des photos sur Internet, c'est-à-dire que son arceau de sécurité, ce qui... Vous savez, sur les voitures de Formule 1, ce qui protège la tête, c'est en haut, c'est comme un pied plus haut environ que le casque qui va venir si jamais on a un choc, c'est là-dessus que la voiture va se retourner. Normalement, c'est solide. Pour avoir vu une photo assez révélatrice, il n'y en avait plus d'arceau de sécurité. Donc, dites-vous que ça a été arraché. Bien évidemment, c'est la tête qui prend le coup, ça pardonne absolument pas. Donc, du côté de Weldon, on n'a pas échappé à la mort. C'était très tragique. Donc, on a suspendu la course du côté de, d'IndyCar le temps de voir ce qu'on faisait. Quand les nouvelles sont arrivées, on l'a annoncé à tous les pilotes, premièrement, qui, eux, ont décidé de « on ne termine pas la course ». Ce qu'on a décidé de faire, c'est un 5 tours d'honneur en l'honneur de Dan Weldon. Oui, ça se dit mal, mais en son honneur. Donc, très, très triste comme dénouement. C'était la dernière course de la saison et... Ce qui rend la chose encore plus triste là, du côté de l'IndyCar, c'est que ça devait être un moment grandiose de la saison. C'est-à-dire qu'on avait une compétition pour le championnat des points entre Dario Franchitti et Will Power. Bon, ça devait se régler là. Ça s'est réglé, bien évidemment, parce que Franchitti a terminé à l'avance vu qu'on n'a pas terminé la course de toute façon. Mais Weldon avait été impliqué dans l'accident, contrairement à Franchitti. Mais c'est aussi que on avait, dès le début de la saison, on avait annoncé qu'il y aurait une bourse de 5 millions de dollars pour cette épreuve-là. Juste pour cette course-là. Juste pour cette épreuve-là. Et cette bourse-là a été ouverte à seulement aux pilotes, à tous les pilotes qui ne sont pas des réguliers de la série. Donc, si tu n'es pas un régulier, mettons, François, tu as déjà coursé en Indy, mais là, tu n'as pas de volant, tu décides de... Leur but, c'était d'avoir un maximum de voitures. Ouais, c'est ça, de me trouver un volant pour avoir jusqu'à 33 voitures. Et de se trouver des volants, on emmène les voitures-là, puis tu gagnes la course, 5 millions de dollars. C'était le but. Finalement, il n'y a eu qu'une seule voiture qui s'est qualifiée pour ça, qui était éligible à la bourse, c'est celle de Dan Weldon. Fait qu'il gagnait le 5 millions. S'il gagnait la course, il gagnait 5 millions. Donc, malheureusement, Weldon, qui a déjà remporté la série, n'était plus un régulier de la série. Ce qui fait qu'on lui a permis de participer à ça. Et l'autre histoire qui s'est passée avec ça, c'est afin de le préparer à ça. Bon, pour être un régulier de la série, j'imagine, il faut que tu disputes, je ne sais pas, 10 courses sur 18. On lui a permis. Lui, il a remporté les 500 000 d'Indianapolis, ça y en fait une. Et au Kentucky, il y a deux semaines, c'est-à-dire que l'écurie Sam Schmidt Motorsports, qui vous connaissez peut-être, et l'écurie de Alexandre Taghiani. On a fait Alexandre, on a tassé Alexandre au Kentucky. On a dit Will, parce que Will a une chance de gagner 5 millions. On le met dans la voiture d'Alexandre. Alexandre, on tasse. Fait que, dans le fond, la voiture dans laquelle Dan Weldon a entamé la course hier, c'était celle d'Alexandre Taghiani. Taghiani, lui, s'est retrouvé dans une deuxième une voiture qu'on dit moins forte d'habitude, un mulet. Par contre, félicitations, Taghiani partait quatrième. Donc, ça va bien. Taghiani, tout en fort en qualification sur les ovales. On l'avait vu à Indianapolis. Mais tout en fort, ça dépend. Mais cette fois-ci, ça allait bien. Donc, à la base, Weldon n'est pas supposé de participer à ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que c'est vraiment ce qui est arrivé? Possiblement pas. C'est de la... Je réfléchis là-dessus. Je me questionne. Est-ce qu'on... Du côté de Weldon, on voit un accident avant nous. C'est la chance d'aller gagner plusieurs positions. Est-ce qu'on a levé la pédale aussi rapidement qu'on aurait dû? C'est la question. Il y avait beaucoup de jeunes aussi durant cette course-là. Parce qu'il y a 33 pilotes. On essaie de mettre un maximum de pilotes. J'imagine que les autres bourses étaient quand même... plus grosse aussi. Oh, c'était avantageux. Là. Plusieurs pilotes ont dit qu'il y avait beaucoup de jeunes sur la piste et qui n'étaient pas patients. Écoutez, c'est une course de 300 000. C'est long, là, 300 000. Qui n'étaient pas patients déjà. On était seulement au deuxième tour. Taghiani, si je ne me trompe pas, Ryan Hunter-Reay était passé près de causer ce qu'on appelle le Big One là, du côté de cette course-là. C'est-à-dire, c'était le Big One quelques tours plus tard. C'est-à-dire, un qui touche, d'autres qui touchent, tout le monde rentre là-dedans. Du côté d'IndyCar, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que nos voitures sont rendues trop performantes, trop rapides pour courser sur des circuits ovales de cette grosseur-là? Ça colle, une formule IndyCar. Ça pourrait pas aller courser sur Talladega, qui est une piste gigantesque. Bon, du côté de Las Vegas, c'est un peu plus petit, mais ça reste une piste très rapide. À un moment donné, il va peut-être falloir se contenter de plus petites pistes ovales pour la sécurité des pilotes. Encore là, bon, je vous dirais, il n'en meurt pas toutes les années des pilotes. Non, le dernier était dans 2006. Puis en même temps, écoute, pas que je veux te contredire, mais si tu conduis des voitures à très haute vitesse, Je suis d'accord, faut que tu t'y attendes. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'à un moment donné, est-ce que ces voitures-là sont rendues trop performantes pour ce type de circuit-là? Parce qu'on le sait, l'an prochain, il va y avoir 6 courses sur circuit ovale du côté de la série IndyCar. C'est une possibilité, si je ne me trompe pas, il va y avoir à peu près 17, 18 courses, 16 courses. Donc, ça n'occupe même pas la moitié du nombre d'épreuves. La majorité des épreuves vont être en circuit routier, très souvent en circuit de ville, un peu comme on peut retrouver ici à Trois-Rivières. Mais là, la question, c'est vraiment, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a beaucoup de pilotes hier qui se sont plaints, qui n'étaient pas très heureux envers la série, qui n'étaient pas heureux de ce genre de d'exhibition-là avec un 5 mais millions puis des pilotes là, qui coursaient ils vont, comme des fous. Ils vont puis ils n'ont rien à perdre, en guillemets. Ben, les nouveaux pilotes qui comme ben là, tu disais, qui étaient comme pas patients. Whedon, mais c'est que j'ai l'impression, la façon qu'on parlait du côté des pilotes, j'ai l'impression qu'on a eu ça fait un effet boule de neige, c'est-à-dire tout le monde veut courser, c'est la dernière course, les bourses sont probablement plus grosses, on veut absolument gagner, puis ça risquait de revirer mal, et malheureusement ça l'a reviré mal, ça a mal viré pour Dan Weldon, donc... Fantastique. Hey, en terminant, juste savoir rapidement... Pas très fantastique, mais oui. Ouais, pas très fantastique. Non, mais... c'est ça, en terminant, juste, est-ce que les pilotes s'étaient déjà plaints de la condition, ou est-ce que... Ou c'est là, en fait, qu'on... Ben, c'est après, là, qu'on... Écoute, ils sont peut-être pleins avant, je sais pas, mais après, à la télévision, tout ça, ça se plaignait beaucoup. T'as Yannick qui est en beau furet après son écurie, puis qui a dit qu'il voulait plus jamais chauffer pour cette écurie-là. Pourquoi? Donc, parce que justement, ils ont enlevé son volant, ils l'ont donné à un autre. Donc, tu sais, de mettre quelqu'un... C'était pas l'unité de mettre un pilote qui a jamais vraiment coursé cette saison, qui a fait une course ou deux, de le mettre... Ça faisait pas l'unanimité. Ouais. Donc, c'est pour ça que du côté de Tegeni, on était à Fury comme beaucoup d'autres pilotes. Ouais. Donc, on salue encore une fois. C'est quoi son... Weldon. Dan Weldon. Merci, Nicolas Ducharme. Un plaisir. Merci beaucoup. Journaliste. Oui, journaliste à l'Écho de Trois-Rivières. Merci beaucoup. C'est ben trop vrai, l'Écho de Trois-Rivières. L'Écho! Trois-Rivières! C'est ça qu'on le prend pour marketing. C'est un peu ça. Donc, on te retrouve lundi prochain à 8h30 avec une autre chronique sport. Bye-bye. Ça va me faire plaisir, messieurs. Oui. Nous, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a, François, le mardi? Mardi. Qu'est-ce qu'on a, Stéphanie le mardi? Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Exactement. On reçoit aussi... on reçoit pas, mais on a Sébastien Dulude avec sa chronique. Oui, va voir ailleurs, j'y suis. Cette semaine, il nous parle... De quoi qu'il nous parle, déjà? Faudrait qu'on lise le Zone Campus demain matin dans la chronique Survol du Zone Campus. Ouais. Parce qu'on l'a pas fait aujourd'hui par manque de temps. Donc demain, Survol du Zone Campus. Ça va être bon, non? Ouais. Belle émission, ça? Ben oui. Ben oui. On va se quitter avec Vulgaire Machin. Difficile de transitionner d'un sujet aussi, aussi dur que le décès de quelqu'un. Donc voici Et même si de Vulgaire Machin. Et ce qui nous suit, ce sera dans quelques minutes Melon Miel et Choux de Bruxelles. Ça s'en vient avec un paquet de super bons sujets des plus divertissants. Voilà, c'est. Ça s'en vient. Alors restez avec nous. Merci. Merci à toi, François. Bye-bye. Bonne journée.